Les Allemands, on veut les impliquer. Les Allemands, on les a impliqués lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai que l'Allemagne s'est impliquée elle-même, mais qui était derrière? Vous savez, cette guerre, on va avoir des drôles de surprises, il va y avoir des drôles de confidences et on va en savoir beaucoup plus sur l'histoire de la Russie impériale. Qu'est-ce qui est arrivé au tsar? Pourquoi c'est arrivé? Qui était impliqué? La Deuxième Guerre mondiale, qui était impliqué réellement? On va savoir beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont être dévoilées, il y a des secrets qui vont être dévoilés, c'est sûr. Actuellement, les Russes veulent régler leur compte une fois pour toutes, par rapport à tous les malheurs qu'ils ont subis, par rapport à toutes les attaques, par rapport à tout ce qu'il y a eu depuis la Russie impériale. Afrique Média, le monde, c'est nous.